Mazembe, oh Mazembe, oh Mazembe, oh Mazembe, oh Mazembe, oh Mazembe, oh Mazembe, oh Mazembe. Na patuka bangu kasusula ngoi wa mbo.